Bien fait là, sur le son F-U-L-L-A, je te raconte l'histoire ce soir d'un mec qui s'appelle Gérard. Eh bien oui, aïe, Gérard débarque chez le Star System avec tous ses poèmes, sans pitié pour mater la bande FM, tous les jeudis soirs c'est les débats. Bon maintenant t'arrêtes avec ta caméra, si tu parles de Sandy ou de la grosse Christine, j'arrête le tout, point final à la ligne, faut pas confondre tentacule et encul ta sœur, qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur, les auditeurs sont toujours les mêmes, de toute manière c'est comme les poèmes, quand on t'appellera pot de chambre tu sortiras tout le lit, dans ces cas-là tu le dis à Arnett et Tony, Max a souvent beaucoup de problèmes, avec celui qui se prend pour le Star System, ni homosexuel, ni hétéro, le GG est sans doute un Pablo, il peut tout le temps parler aux nanas, mais si elle ne répond pas, elle dit pétasse, casse-toi, t'as déjà dû raconter l'histoire de Carole. Elle devait être aussi grosse qu'une vache folle, mais contrairement à Bali Balo, le Gérard était encore puceau. Le gang du chapeau rouge a bloqué son tatou. Fini les messages de Jean-Charles et Jean-Loup. Les avocats Françoise, beau gosse et gueule d'amour. Lui envoie du courrier et le harcèle au secours. Sa mère devant la porte et serrure bouchée. Celle de ma voix qu'on soit fichu, je vous ferai la peau à tous, bande de salauds. On parle souvent des toilettes de la loco. Il a du chiffre à prendre par le mécano. Max demande toujours des filles belles et Gérard ne pense qu'à se faire péter la rondelle. Le t-shirt qui martine et la mallette sonne radio. Conclusion du débat, tu me verras pas l'autre tableau. C'est clair et net, ça va saigner. Les points sur les i et les barres sur les t. L'ultimatum est lancé. Le G, le E, le R, le A, le R, le D. GG de Suresnes. 1-1. Depuis qu'il s'est fait enculer par une lampeur, je suis nana ras-le-bol. Que tous les tremblons dans la rue l'appellent à Luciole. On voit où dans un bordel il se fait rouler les fesses. La tête dans une poubelle en chantant Undo Stress. Mais la première fois qu'il a aimé le zizi, ça devait être avec son copain Henri. Tu peux te procurer des vidéos fantasmatiques grâce au fameux François de Belgique. Ou en téléphonant au 3668. Gérard peut se faire une fellation gratuite. Et quand il s'amuse à squatter le bois de Boulogne, ce sont tous ses amis qui s'empêchent le besogne. Dès qu'il quitte le débat, direction le bois. 5 à 6 sodomis, c'est parti mon kiki. Ses photos les plus sexy sont dans le homo mag. Et maintenant dans la rue, c'est toujours lui qu'on drague. Beaucoup trop d'insultes quand Gérard attaque, d'après les sondages de Goldorak. Et quant à notre Gérard, se porte à l'antenne, comme par hasard d'une cabine de Suresnes. Le GG devient furax et puis se déchaîne. Allez hop, tu dégages, c'est même pas la peine. Le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le D, Gérard de Suresnes et Compagnard. Aïe, aïe.